Boudin. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu quand je regarde la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la suite pour lui pâté de maison comme un vieux livre que c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce lundi 9 octobre 2023, une nouvelle semaine qui s'ouvre pour ce programme d'actualité locale, actualité politique, sociale et culturelle avec une semaine qui va être sous une forme quelque peu inhabituelle, un peu décalée ou croisée, autant vous expliquer d'emblée la chose. Vous retrouverez bien toujours cette émission d'actualité des mots des sons sensibles dans la tranche en direct 12-13h, rediffusée à 19h, ainsi que sur le créneau matinal du 8-9h, avec néanmoins cette semaine, voilà, un petit changement pour cette saison qu'on va essayer de tenir au mieux, de façon alternée, on va dire ainsi. Un programme en direct à midi, ce sera le cas pour ce jour avec une émission spéciale, mais vous retrouverez demain deux formes ou formules des mots, des sons sensibles, des mots sensibles demain entre 12 et 13 heures, ce mardi consacré à l'actualité politique et sociale, et vous retrouverez une formule davantage peut-être son sensible ce mardi soir 10 octobre à 19h pour une émission consacrée à la sortie d'un album. Il s'agit des Stéphanois de Saffron Eyes. Le Quatuor sera avec nous pour la parution de leur album. C'était en date de ce vendredi dernier, l'album Smile Until It Hurts. Nous recevrons le groupe demain soir, ce qui amènera à des rediffusions croisées. Comme je le disais, le programme de ce mardi midi sera rediffusé jeudi à 19h et le programme Son sensible Saffron Eyes spécial de ce mardi soir 19h sera rediffusé jeudi à midi. Voilà, bref, je ne sais pas si vous suivez, mais ce sera en tout cas la proposition de cette semaine avec cette formule qui sera peut-être proposée de façon alternée et donc récurrente en tout cas sur cette saison 2023-2024. Il n'empêche que aux heures habituelles, créneau habituel, même lieu, même heure, vous retrouverez ce programme des mots des sons sensibles. Alors autant en venir à ce programme de ce lundi dans sa forme habituelle pour les rendez-vous du jour et de demain matin. Les mots des sons sensibles aujourd'hui vous proposent de faire focus à nouveau sur un de ces partenariats de rentrée. Il s'agissait de la troisième édition du Salon de l'agriculture paysanne et de l'alimentation cette année 2023 et pour cette troisième édition qui se tenait les 9 et 10 septembre dernier, parc Joseph Sangdols puis Courriot à Saint-Étienne. Nous étions présents, je parle des radios associatives locales en Loire-Sud, Radio Dio et Radio Ondaine, en effet, pour intervenir et participer à la sonorisation et captation notamment des rencontres, conférences, débats qui se tenaient dans ce cadre-là. Nous y étions présents la journée du samedi 9 septembre en ce qui concerne Radio Dio. Radio Ondaine était elle présente le dimanche 10 septembre et nous vous proposons depuis, et ce sera encore le cas pour quelques rendez-vous à venir, de vous proposer les retransmissions, diffusions de ces différentes conférences, débats. Alors on vous l'a déjà proposé pour ce début de saison et d'année en revenant notamment sur la proposition de sécurité sociale de l'alimentation. une forme de démocratie alimentaire qui était présentée lors d'un premier temps. Une deuxième proposition de conférence débat qui a également fait l'objet d'une diffusion sur nos ondes, c'était la présentation de la Caisse commune alimentaire de Montpellier et ce travail en cours de Caisse sociale de l'alimentation de Saint-Étienne. On vous propose aujourd'hui de revenir sur la troisième conférence débat qui ouvrait ce salon Vers de Terre, le samedi 9 septembre après-midi, où il était question de l'enjeu de l'approvisionnement local et bio de la restauration collective dans le contexte stéphanois. En voilà une belle question qu'on va vous proposer de retrouver aujourd'hui, à la fois de la poser mais de tenter d'y apporter quelques éléments de réponse. Un temps de rencontre débat qui était animé par Alice Martin d'Agribio, Georges Guinter de Vers de Terre, avec comme intervenant intervenante David Farah, qui est vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge de ces questions, David Maison également coopérant de la ferme au quartier, René Roux de Compostonde et Michel Barou également, que vous entendrez, porte-parole de la Confédération Paysanne 42 et lui-même bien sûr agriculteur paysan. Voilà pour l'essentiel menu contenu de ce programme aujourd'hui. C'est donc près d'1h30 hein, de temps à la fois de conférences, interventions et de débats, c'est-à-dire d'échanges également avec le public qui était présent. Un programme qui intervient à point nommé, si je puis dire, alors que se tient actuellement la fête des AMAP, qui bat son plein jusqu'au 18 octobre prochain, on vous le rappelle. Les AMAP, ce sont les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, avec toujours la question du local et de l'alimentaire, voire du social. Vous avez toutes les infos sur ce programme fête des AMAP, ou AMAP en fait, sur un site dédié, c'est amap-en-fête-au-pluriel.org. Vous allez là sur le département de la Loire et vous retrouverez toutes les animations et événements attendus, et c'est le cas pour cette semaine, pour exemple, avec alors ces AMAP qui, nombreuses, maillent le territoire et notamment la ville de Saint-Étienne. L'une d'entre elles, pour exemple, l'AMAP de Chaplon à Saint-Étienne, qui organise ses portes ouvertes lors des distributions. C'était le cas déjà mi-septembre dernier et ce sera encore le cas durant ce mois d'octobre, et notamment ce mardi 10 octobre, ainsi que le 17 octobre prochain. Voilà, tout cela proposé donc à l'amicale Chaplon, en tout cas jardin de l'amicale Chaplon, situé 16 place Jacquard, pour ces rendez-vous donc en fin de journée, hein, c'est 18h, 18h45 à peu près pour ces journées portes ouvertes qui s'y tiendront donc. Et puis encore pour cette semaine, pour exemple, c'est l'AMAP en forêt Montbrison, cette fois, qui organise ses portes ouvertes, avec là un temps aussi assez festif de à la fois restauration, apéro, repas partagé. En tout cas, ce sera pour ce 12 octobre de 18h30 à 19h30 et ça se passera dans la cour du centre social de Montbrison. Là, à nouveau, toutes les infos sur la fête des AMAP ou encore l'AMAP spécifique du forêt, AMAP en forêt.fr, tout accroché en minuscules. Eh bien, c'est parti pour cette émission spéciale Vers de Terre, salon de l'agriculture paysanne de la Loire, salon de l'agriculture paysanne et de l'alimentation, on le rappelle, consacré à l'approvisionnement local et bio de la restauration collective dans le contexte stéphanois. En vous souhaitant une très belle émission et une belle écoute. Bien, donc là c'est le dernier débat de l'après-midi qui est sur l'enjeu de l'approvisionnement local et bio de la restauration collective dans le contexte stéphanois. Donc c'est animé par Alice Martin d'Agribio, voilà, et par moi-même du collectif Vers de Terre. Bon, on a invité différentes personnes à cette conférence débat. Je les présente dans l'ordre où ils sont là. David Maison, qui est co-gérant de la ferme au quartier, qui est une plateforme territoriale. Michel Barou, qui est un des responsables de la Confédération Paysanne 42 dans la Loire. René Roux, qui est le fondateur de Compostonde et qui est encore, si je ne me trompe pas, René, co-gérant de Compostonde, voilà, qui est une coopérative de fabrication de compost à partir des déchets organiques de la restauration collective. David Farah, qui est, je ne veux pas me tromper sur le titre, qui est vice-président à Saint-Étienne Métropole à l'agriculture et à la transition agricole et alimentaire. Très bien. Voilà. Et les conférences débats ici sont enregistrées par Radio Dio et Radio Ondaine, hein, puisqu'on a un partenariat avec ces deux radios, et seront rediffusables sur leur site en podcast. Voilà. Voilà. Alors, on a, pour dire comment les choses vont se dérouler, on a environ 45 minutes, une heure d'échange entre les intervenants. Bon, Alice et moi, on posera les questions. Et ensuite, il y a 30 minutes d'échange avec vous. Alice. Merci, Georges. Bonjour à tous. Peut-être avant de commencer les échanges précisément avec les intervenants, on pensait rappeler un peu le contexte dans lequel s'inscrit cette table ronde et des éléments un peu de définition pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Donc pour rappel, la restauration collective touche à la fois le secteur social, de l'éducation, mais aussi de l'entreprise. On la distingue de la restauration commerciale, qui est celle donc des restaurants qu'on trouve hein, au coin de sa rue pour aller déjeuner. Et du coup, sur ces trois secteurs, donc social, santé, éducation et entreprise, on distingue vraiment une diversité de modes de fonctionnement avec des communes, notamment si on parle du scolaire, qui vont fonctionner, on parle en gestion directe ou en gestion concédée. Donc en gestion directe, c'est quand elles ont la main sur les achats des produits alimentaires et qu'elles font la cuisine. Et en gestion concédée, c'est quand elles concèdent la préparation des repas à une société extérieure. Donc qui sont nombreuses et dont vous connaissez certainement certains des noms. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui en France, 60% des communes sont en gestion directe, 40% en gestion concédée. Et parmi tous ces modes de fonctionnement-là, on a parfois les repas qui sont faits sur place et parfois les repas qui sont livrés en liaison froide. Ça veut dire livrés froids parce que préparés sur une autre cuisine qu'on dit centrale. Voilà, quelques éléments de définition. Je vous donne aussi un peu des chiffres, notamment sur le coût d'un repas. Aujourd'hui, si on parle vraiment de la part d'approvisionnement, globalement, ça représente généralement 30% du budget d'un repas. Parce qu'au coût des matières, il faut aussi rajouter, bien sûr, la main-d'œuvre, le matériel, le bâtiment, les fluides que sont le gaz, l'électricité et l'eau. Et donc, l'approvisionnement en tant que tel, lui, représente, on dit, entre 25-30%, même si ces variables sont tendance un peu à changer dernièrement. Voilà, et sur des idées de coûts, aujourd'hui, ce qui est facturé aux familles, souvent, selon les communes, il y en a qui ont une tarification sociale qui est mise en place où on a des repas qui sont accessibles à 1 euro selon les conseillers familiaux. Et ça peut aller jusqu'à des repas qui peuvent être facturés 5-6 euros. Je parle pour le public, pour le privé, ça peut être un peu différent et un peu plus élevé. Et sachant que ça, c'est ce qui est facturé aux familles. Mais le coût réel du repas, c'est plutôt entre 4 et 15 euros selon les communes. Voilà, et pour vous donner un peu un état des lieux de où on en est aujourd'hui sur l'appro biolocale sur le territoire, peut-être que vous savez qu'il y a une loi qui demande à ce que les cantines s'approvisionnent à hauteur de 20% en produits bio et aussi 50% en produits sous signe de qualité, donc AOP, IGP, label rouge, pêche durable, bon, il y en a plein. Et bio aussi, dans les 50%. Merci. et donc globalement aujourd'hui sur la Loire, on est à 12% de produits bio dans les cantines, sachant qu'on n'a pas toutes les cantines qui ont déclaré leurs chiffres, hein, donc c'est un peu biaisé, mais 12% de produits bio et 14% de produits sous signe de qualité. Et sur Saint-Étienne Métropole précisément, on est à 15% de produits bio, 15% de produits sous signe de qualité, avec 20% des cantines qui ont atteint l'objectif 20% bio, 50% qualité. Voilà, bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc voilà un peu où ça en est, sachant que cette loi Egalim, elle a aussi des limites qui ont vite été identifiées par les communes, c'est qu'elle n'introduit pas de critères de localisme et d'origine du produit. Ça veut dire que, étant donné que c'est quelque chose sur lequel déjà on n'a pas tous la même définition sur le local, et qu'en plus ça va à l'encontre des codes de la commande publique européenne qui veulent ne pas favoriser un fournisseur plus qu'un autre, c'est pas quelque chose qui peut rentrer dans la loi. Donc les communes qui veulent introduire des produits locaux le valorisent comme elles le veulent, mais elles le font pour leur choix à elles et leur politique à elles. Et du coup, un petit rappel pour dire que beaucoup de communes aussi se positionnent, enfin, sont soumises au marché public, qui en plus, enfin, qui en fait ne permettent pas de mentionner l'origine d'un produit. On peut pas dire qu'on veut de la viande d'origine France dans un marché public. Il y a plein d'autres leviers d'action qui permettent de s'assurer d'avoir de la viande d'origine France ou d'avoir de la viande d'origine région. Mais ça demande beaucoup de technicité et beaucoup de connaissances pour savoir comment rédiger son marché. Et ça, c'est des choses que les communes n'ont pas forcément encore toutes en main. Donc c'est à la fois la responsabilité des collectivités, enfin c'est surtout la responsabilité des collectivités, de si elles veulent favoriser un approvisionnement biolocal et du coup soutenir la production biolocale et les producteurs, de se former, parce que c'est quelque chose qui est quand même très technique aujourd'hui si on veut s'approvisionner en produits locaux. Si on est soumis au marché public, donc ça va très vite, hein, c'est à partir de 40 000 euros d'achat. Autant vous dire que sur des cuisines, on y est très très vite. Et du coup, il y a aussi d'autres éléments qu'on voulait aussi partager pour commencer cette table ronde. C'était plus autour de l'enjeu social auquel répond la restauration collective. Et je donne la main un peu à Georges sur ces éléments. Merci, rapidement. Quand on parle de restauration collective, forcément, on interpelle les collectivités locales, toutes confondues, hein, que ce soit les communes, l'intercommunalité, les départements, les régions, et même pour certaines l'État, mais donc sont interpellées. Donc nous, on voulait dire que la question de l'alimentation, par ce biais-là déjà, mais de façon générale, c'est une question et ça doit devenir une question très politique. Ça ne peut pas être, on ne peut pas changer le modèle actuel, le modèle agro-industriel et l'alimentation qui en est produit, et la distribution alimentaire qui en est produit, en renvoyant ça à la responsabilité individuelle de notre porte-monnaie. On le voit bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les porte-monnaies citoyens, ça va bien pour des trucs de niche, mais ça ne marche pas. Il nous faut construire ensemble un projet politique autour de l'agriculture et de l'alimentation. Et donc, se mettre ensemble pour en discuter, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans ce salon, et pour l'imposer au complexe agro-industriel. Quand je dis complexe agro-industriel, c'est tout le complexe qui aujourd'hui s'arc-boute sur le modèle actuel agro-industriel qui, on le voit bien, produit à la fois des problèmes environnementaux, climatiques, sanitaires, et qui ne nourrit pas les personnes. Puisqu'aujourd'hui, on en a discuté ce matin encore, hein, il y a au moins 6 millions, on ne sait pas, parce que les chiffres évoluent, 6 à 7 millions de personnes qui n'ont pas accès, qui utilisent régulièrement l'aide alimentaire sous forme de colis alimentaire. Il y en a 12 millions qui les utilisent de façon irrégulière. Et il y a 26 millions de personnes qui sont en insatisfaction alimentaire. C'est-à-dire qu'elles ne mangent pas ce qu'elles voudraient manger. Voilà. Alors, je dis ça parce que, donc, pour poser les choses. Et donc, les collectivités locales sont interpellées par rapport à ça. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de discussions qui sont en cours, des choses qui se passent. On parlera peut-être tout à l'heure des PAT, tout ça. Bon, donc voilà. Alors, au niveau... Et c'est un marqueur social, l'alimentation, un marqueur de distinction sociale. Hein. Quand on a la possibilité, les moyens financiers, on consomme bio, et c'est une distinction sociale. Il ne faut pas croire que ceux qui ne peuvent pas consommer bio ne sont pas conscients qu'ils ne peuvent pas consommer bio, hein, ou des produits de qualité. Moins on a les moyens d'acheter des produits de qualité locaux, bio, ou d'agriculture paysanne non soumis à l'agriculture chimique, plus on a le sentiment, hein, qu'on mange des choses qui ne sont pas adaptées à notre santé et à l'environnement. La conscience, elle est généralisée dans la société. Ce n'est pas simplement certaines couches sociales, etc. Et à Saint-Étienne, donc, je pense que la restauration collective, Saint-Étienne et la région stéphanoise, on va dire, hein, elle a une responsabilité particulière pour justement combattre cette distinction sociale. Parce que si on développe largement la restauration collective avec la possibilité de produits de qualité accessibles à tous, par exemple, demain on aura un débat sur la restauration scolaire, mais par exemple que tous les enfants puissent accéder aux cantines avec des repas de qualité, produits localement, bon, on fait reculer ce marqueur social. Considérablement. Alors simplement quelques chiffres sur Saint-Étienne, mais bon, vous les avez tous en tête. Hein, mais sur Saint-Étienne Métropole, on compte près d'un quart de ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté, soit 40 000 personnes. C'est des chiffres INSEE, ça. Hein. La commune de Saint-Étienne concentre le plus grand nombre de ménages précaires. Mais c'est pas qu'à Saint-Étienne. Hein. On parle par exemple, prenons l'exemple de la commune de la Récamerie ou celle du Chambeau-Feugerolles que vous connaissez bien, M. Farah. Hein. Donc voilà. Au moins 26% des ménages de Saint-Étienne vivent sous le seuil de pauvreté. Soit 26%, c'est-à-dire sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 940 euros ou moins de 128 euros par mois, ça dépend de ce qu'on parle, pour vivre ou pour survivre. Il est mesuré après impôts et prestations sociales, hein. C'est-à-dire on y ajoute dedans les prestations sociales et on enlève les impôts. 26% des ménages de Saint-Étienne qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est presque le double de la moyenne nationale. Le double, c'est 14% de la moyenne nationale. Donc ça représente 19 500 ménages, soit environ 40 000 personnes. Parmi ces ménages à Saint-Étienne, 39% sont des familles avec 3 enfants et plus. Et plus les ménages sont jeunes, plus le taux de pauvreté est important. C'est dire que la pauvreté des enfants est importante, est très importante. À Saint-Étienne, 29% des enfants sont touchés par la pauvreté. C'est un chiffre 2021 de la préfecture de région qui a été donné, ça, par le préfet de région. Je veux simplement finir en disant que le Secours catholique de la Loire, dernièrement, annonçait qu'en 2020, le reste à vivre médian au niveau national est de 531 euros. Dans la Loire, pour les personnes que le Secours catholique accueille, il est de 354 euros, quasiment 200 euros de moins. Bon, alors c'est plus un reste à vivre, c'est un reste à survivre. Là, il faudrait mieux parler comme ça. Et depuis, il est fort probable que ça s'est aggravé. 2020, hein, c'était donc avant Covid, la période Covid. Hein. Voilà. Et d'après une enquête BVA produite pour SEM, hein, pour Saint-Étienne Métropole, de novembre 2021, dans le cadre du PAT, il avait été dit que 12% de la population était inquiète sur la possibilité de se nourrir régulièrement à Saint-Étienne Métropole, hein, sur Saint-Étienne Métropole. Donc voilà, voilà un peu pour fixer un peu le cadre de cette discussion. Peut-être que c'est moi qui posais la première question, hein, c'est ça. Voilà. Alors, moi, j'avais une question. Peut-être d'abord pour Michel, mais qu'on peut, vous pouvez tous réagir par rapport à ça. Hein. Approvisionner la restauration collective en produits locaux et bio, c'est aussi mettre la production locale au niveau. Parce que c'est bien beau de dire les collectivités locales sont souvent confrontées à ça. On veut bien, mais il n'y a pas l'approvisionnement nécessaire en termes de production. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous dire où en est-on aujourd'hui? Quelles sont aussi les difficultés? Parce que je crois que ce matin, on a parlé des difficultés maintenant de plus en plus importantes pour produire tout simplement par rapport au changement climatique. Et est-ce que c'est simple pour les paysans d'approvisionner les collectivités en produits locaux et bio? C'est-à-dire il y a la question de la production, mais il y a la question aussi de comment logistique et approvisionnement. On peut d'ailleurs poser la question en sens inverse. Hein. C'est-à-dire est-ce que c'est simple pour une collectivité de s'approvisionner en local et en bio? C'est-à-dire c'est quoi les questions de logistique, les questions de contact, les questions de prix? Bon, voilà. Donc peut-être d'abord à toi, Michel, mais après... Alors, ce qu'on propose, c'est 3-4 minutes chacun, sinon après, on va dépasser le timing. Oui, bonjour. Donc, effectivement, j'ai déjà parlé un peu ce matin et des difficultés des paysans sur le terrain pour arriver à produire, tout simplement. Les causes, c'est, on va dire, le changement climatique et le manque d'eau. Peut-être... redonner la définition de la loi Egalim avec ses objectifs, donc alimentation saine et durable, respect du bien-être animal. Sur ce dernier point, je pense que la CONF a vraiment un rôle prépondérant parce qu'elle Elle est la seule organisation agricole à défendre l'élevage en plein air, qui est pour moi, à mon avis perso, le principal gage de respect du bien-être animal. Ça, c'est fait. Donc, après, moi, j'ai l'impression que la loi Egalim, elle part d'une bonne intention de la part du gouvernement, mais qu'après, dans sa mise en application, elle a fait appel aux collectivités territoriales pour organiser tout ça. Et à l'étage du paysan, je pense que, effectivement... il faut apprendre à nous organiser. Alors moi, je suis encore plus loin des circuits courts. J'habite très loin des grandes villes. J'habite dans la forêt. Et du coup, c'est vrai que je pense que les gens qui sont autour de moi vont nous parler de la ferme, par exemple la ferme au quartier, de l'organisation collective qui permet de pouvoir être en phase avec les attentes des citoyens et puis des collectivités. Voilà pour l'instant ce que je peux dire. On pourrait développer sur le fait que, par exemple, le maraîchage est en grande difficulté également par rapport à la valse des étiquettes, et notamment le local, en fait, qui fait que les gens ils sont complètement perdus dans les signes de qualité. Et donc, ça devient encore plus difficile de se situer dans le paysage de qualitatif de la distribution des produits. Voilà. Bon, on n'est pas nombreux. Peut-être que vous avez réussi à comprendre ce que j'ai dit malgré tout. Je vais en rester là pour l'instant. Je serai plus à dispo pour s'il y a des questions qui arrivent au fil de l'eau. Est-ce que vous voulez réagir sur ces questions de production et de disponibilité de produits sur notre territoire ? Non, très rapidement, je pense qu'on va creuser le sujet. Et se pose effectivement la question de l'approvisionnement et de la stabilité de l'approvisionnement, notamment pour les collectivités, où il y a toujours cette crainte, dès qu'on passe la strate de la moyenne collectivité, j'allais dire 8-10 000 habitants, grande collectivité, il faut qu'on ait sûr que le matin arrive bien ce qui doit être livré. Et donc le dialogue en direct avec chaque producteur, chaque paysan, on voit qu'il est quasiment impossible, si je parle de ce type de structure-là, puisqu'on ne peut pas s'adresser à quelqu'un qui toute l'année va pouvoir nous fournir exactement tous les matins l'alimentation dont on a besoin pour les restaurations collectives. Enfin, je parle pour tous les collègues de la métropole aussi, on a une vraie interrogation, donc... Je pense qu'effectivement, là-dedans, il y a un vrai rôle des intermédiaires locaux aussi, pour pas que... la volonté des collectivités, c'est aussi de développer cette alimentation locale. Quand je parle de volonté, hein, après, parfois, on a des difficultés aussi. Il faut effectivement avoir la volonté politique, sinon... voilà. Mais si on l'a, on a besoin de ces intermédiaires locaux pour que les produits ne partent pas à l'autre bout de la France, sur une plateforme, pour revenir mélanger à d'autres. Enfin voilà, on est confronté à ça aussi quand on passe nos marchés publics, il faut bien se le dire. C'est-à-dire que la plateforme peut être très loin, peut récupérer dans toute la France, et voilà, pour nous, cette complexité-là. Et répondre à la loi Egalim, puisqu'elle va récupérer des produits qui ont des labels, des produits qui sont bio, et nous permettre, nous aussi, de répondre à nos obligations. On peut être confronté à ça. Donc il y a un vrai travail. Alors, je sais pas, c'est de l'intermédiation, je sais pas ce que c'est, mais il faut qu'on ait un intermédiaire qui permette ça de sécuriser. Parce qu'effectivement, quand on parle restauration collective, on parle des écoles, des crèches, des maisons de retraite, enfin voilà, de choses où on n'a pas le droit de pas servir le midi. Pour ma première intervention, je vais simplifier un peu, mais je vais être là-dessus. Je pense que les difficultés se posent comme ça aussi, les premières pour les collectivités. Bonjour à tous. Je voulais rajouter par rapport à ce que disait monsieur Farah, c'est. Il y a un vrai enjeu sur l'autonomie alimentaire qu'on a sur le bassin stéphanois. Et il y a une étude qui a été faite en 2019 qui notait que sur le bassin, on était à 2% d'autonomie alimentaire. Donc ça rejoint un peu les propos dans le sens où on a de la production ici sur le territoire, mais on remarque qu'en fait 98% de la production est distribuée ailleurs que chez nous. Donc il y a un enjeu à relocaliser à la fois notre production, mais relocaliser aussi sa distribution. Et si on parle exclusivement de la RHF, de la restauration collective, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais pour entrer dans des cantines scolaires, il y a besoin d'avoir des intermédiaires ou des producteurs en direct qui ont, je dirais, la capacité déjà en termes de production, mais à la fois aussi des légumes ou des fruits qui soient de calibre adapté au type de cuisine qui peuvent servir par exemple des petites des pommes en calibre tout petit ou inversement. Donc il y a un besoin, mais je pense que Agribio, Rhône-et-Loire et en partenariat avec la métropole fait un référencement sur l'ensemble des fournisseurs présents sur le territoire. Agribio Rhône-et-Loire, association des producteurs bio du Rhône-et-la-Loire. Donc voilà, il y a ces enjeux-là de savoir qu'est-ce qu'on a sur le territoire, en quelle capacité de production pour pouvoir approvisionner au mieux les restaurants. Justement sur ces questions d'approvisionnement, mais d'accessibilité, enfin de disponibilité de la production. Je disais en introduction que ça pouvait être assez technique pour les collectivités de rédiger des marchés publics pour avoir accès aux produits déjà locaux en livraison, enfin en fourniture de produits. La réalité, c'est que c'est quand même des machines administratives qui sont aussi techniques pour les producteurs pour y répondre. Que ça, voilà, ça demande des compétences et du temps pour pouvoir le faire. On a parlé de calibre aussi, de produits spécifiques pour la restauration collective et de quantité, de diversité de produits disponibles sur le territoire. Aujourd'hui, la question elle est peut-être un peu large, donc peut-être que vous avez tous des éléments de réflexion, mais comment on permet concrètement à ce que les producteurs soient en capacité de répondre à la demande des collectivités? Et comment on permet aux collectivités aussi de faire en sorte que l'offre puisse venir à elles, quoi. Si on estime que la production est disponible, en tout cas si on estime que certains produits sont disponibles sur le territoire et qu'on a envie de les retrouver au menu le midi, de votre regard, vous, de votre profession, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on le fait déjà? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire là-dessus? Et j'ajoute notamment, tu en as parlé, mais notamment en termes d'appel d'offres. Qui maîtrise les appels d'offres? Comment on a parlé tout à l'heure de la loi Egalim qui ne permet pas, enfin qui ne n'impose pas un approvisionnement local, sans doute à cause des contraintes européennes. Mais justement, comment on peut, il y a certaines collectivités locales qui s'y emploient d'ailleurs, comment on peut contourner ces contraintes européennes pour favoriser des appels d'offres qui permettent des approvisionnements locaux et bio. Je vais commencer. Sur la métropole, on a commencé à travailler d'ailleurs. C'est ce qui a été expliqué par David tout à l'heure, effectivement, sur la formation des personnels municipaux aussi, à partir d'exemples de collectivités qui le font déjà, de comment rédiger un cahier des charges qui à la fois permette de répondre à la loi Egalim, ça peut paraître tout bête, mais soit aussi répondable par les producteurs ou par leur structure de regroupement. Parce que parfois, je reprends les propos d'Alice, on peut faire une machine administrative parfaite, le cahier des charges est parfaitement rédigé, mais personne n'arrive à y répondre, ou alors pas du tout la cible qu'on avait envisagée. Donc il y a un vrai travail là-dessus qui est lancé, il y a des formations qui sont faites en partenariat chaque année et qui vont être poursuivies l'année prochaine, ça fait plusieurs années qu'on les conduit. On a un noyau de collectivités qui déjà ont commencé là-dedans et s'y sont mises et ont des résultats d'ailleurs pour certaines. Je pourrais évoquer des exemples, mais le but c'est d'essaimer, de dire voilà, c'est possible, on peut faire comme ça, donc il y a un vrai rôle là-dedans. Moi j'y crois beaucoup à ça, parce qu'on peut avoir toute la bonne volonté du monde, si malheureusement on n'arrive pas à produire quelque chose qui soit légal, puisque quelque part l'appel d'offre doit être légal, et qui soit aussi répondable par les producteurs du territoire. Quant au local, après chacun y met un peu son acception, c'est un vrai problème, parce que si on passe de 10 à 300 km, est-ce qu'on est toujours local? Qu'est-ce que le local? Enfin voilà, on peut. Donc on essaye d'avoir une lecture un peu cohérente aussi parfois en fonction des produits, puisqu'il n'existe absolument rien sur le local, aucune définition législative. Donc nous déjà c'est travailler là-dessus, c'est aussi intervenir avec les collectivités, on a parlé des calibres pour que les outils de préparation des repas puissent accepter certains types de production. Enfin, demain, typiquement, je crois qu'il y a le maire de Saint-Jean-Bonnefond qui intervient dans une des conférences. Il y a la cantine intercommunale qui est montée avec Sorbier et la Talaudière. Mais on voit que l'outil a été complètement repensé. Aujourd'hui, on a des structures de cantine et de cuisine collective qui ne permettent pas de répondre à ça, puisqu'elles ont été montées, je dirais certaines, pour utiliser certaines gammes de produits, des produits congelés, prédécoupés. Enfin, on a tout sur certaines collectivités, puisqu'il y a 20, 25 ans, c'était la logique. Moi, je ne vais pas juger le passé non plus, la logique était là-dedans. Donc la métropole, aussi avec ses partenaires, hein, essaye pour les communes voilà, de lancer des choses, d'aider à avoir des outils adaptés. Parce que si on a les bons produits, qu'on ne sait pas les cuisiner, ça peut paraître bête, mais on ne peut pas sortir les repas. Voilà, donc il y a tout ça pour essayer de mettre ça au maximum en cohérence, avec aussi du sourcing, des rencontres avec les producteurs, avec leur structure, avec leurs représentants. Et ben pour voir qu'est-ce qu'on peut fournir, comment on peut fournir, qu'est-ce qu'on peut récupérer, comment on peut utiliser au mieux cette production. Travailler parfois aussi sur de petites communes qui, elles, n'ont pas du tout les mêmes besoins. Là, on peut avoir du travail en direct. Hein, quand on est sur des communes, voilà, un millier d'habitants, un peu moins, là, on peut avoir du travail en direct, parfois avec des producteurs. Ça peut exister aussi. Voilà, côté, j'allais dire, métropole, notre but aussi, c'est de mettre tout le monde aussi en relation et tout le monde aussi face à ses limites parce que ça apporte. On sort du il veut pas travailler avec des producteurs locaux, il pense qu'au prix, et de l'autre côté, mais les producteurs locaux, ils me produisent des trucs que moi je peux pas utiliser. Ça peut paraître très vulgarisé ce que je dis, mais enfin, ça existe. Donc, c'est déjà de confronter ces deux mondes-là, et parfois, avec ça, voilà, on arrive à avancer aussi. Et on arrive à donner aux gens la possibilité de se connaître. Donc, il y a ce rôle-là, je dis pas que ça révolutionne tout, mais c'est néanmoins important, de mon point de vue. Oui, bonjour. Moi, je rajouterais un petit élément à nous. Nous, notre métier, c'est les déchets. Donc, c'est ce qui sort de la poubelle. Dis-moi ce qu'il y a dans ta poubelle, je te dirai qui tu es et la façon dont tu travailles. Et en fait, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, et ça me permet de rebondir ce que vient de dire le vice-président Farah. En l'occurrence, quand on travaille avec des collectivités qui sont moins... voire pas, soumises au marché public quant au volume qu'ils achètent, puisque les marchés publics s'appliquent à partir d'un certain niveau de volume d'achat. On constate quoi ? On constate qu'on a plus, on a beaucoup plus... Enfin, nous, il nous semble, justement, regarde dans ta poubelle et tu verras comment tu travailles. Et ce qu'on constate, c'est que ces collectivités-là, qui sont plus petites, qui ont des plus petits volumes, arrivent à travailler des produits bruts. Et on a sans doute plus de déchets de préparation, mais on a beaucoup moins de déchets de services et compagnie. Et finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, lorsque vous travaillez avec des produits locaux, vous modifiez votre façon de cuisiner, vous modifiez votre façon de préparer vos repas, vous modifiez sûrement en tant que chef cuisinier ou qu'agent de service de cuisine, vous modifiez sûrement la relation avec les enfants que vous avez dans la cantine scolaire et vous avez finalement beaucoup moins de gaspillage alimentaire, beaucoup moins de pertes alimentaires. Et c'est un cercle qui est très très très vertueux et lorsque les collectivités un peu plus qui produisent beaucoup plus de repas, des cuisines centrales et compagnie. Nous travaillons avec la plupart des communes de Saint-Étienne Métropole, en fait toutes les communes de plus de 10 000 habitants, voire même de plus de 5 000 aujourd'hui. On constate que lorsqu'elles développent des stratégies de relations directes avec des producteurs locaux, elles arrivent à... Je déborde un petit peu sur la question pure de l'administration des marchés publics, mais lorsqu'elle travaille avec des producteurs locaux, on constate très vite que les gaspillages alimentaires diminuent. Les gaspillages alimentaires diminuant, les volumes d'achat, les volumes en termes de poids d'achat diminuent. Donc, lorsque les volumes d'achat diminuent, vous avez des marges de manœuvre dans vos budgets. Ça vous permet de monter en gamme sur vos achats et justement d'aller vers des produits beaucoup plus marqués au sens label bio, etc. Et on le constate. Nous, on travaille avec pas mal d'établissements, dont plusieurs aujourd'hui en sont à se dire il va falloir qu'on travaille et qu'on pousse la préparation pour maîtriser justement les gaspillages alimentaires et on a deux on On a deux collèges qui ont mis en place un truc assez amusant, mais qui est très très significatif, enfin, qui pour nous est très signifiant. Vous avez un agent qui est au milieu de la matinée, a un petit quart d'heure, un petit demi-heure de disponible, un petit peu, voilà, et donc va couper les fruits en deux, en quatre, va enlever les pépins, les pluches, et va les plucher et va mettre à disposition. Alors ça se fait vraiment tout à fait avant le repas, hein, parce qu'il ne faut pas que ça traîne 4 ou 6 heures, évidemment, mais ça se fait tout de suite avant le repas. Et va mettre à disposition des fruits qui sont vraiment tout à fait prêts à manger, et voire même couper les pommes en 4. Et les trois collèges en question ont constaté qu'en fait, on n'avait plus du tout de gaspillage de fruits, on perdait plus du tout. On baissait de 20 à peu près 25% les volumes, et sont tous passés avec des producteurs bio. Donc, parce qu'en fait, 25%, ben, grosso modo, ça correspond à la louche, hein, on va le faire vite fait, à la louche entre au delta entre un produit rendu restauration, un produit bio rendu restauration, et un produit, on va dire, entre guillemets, conventionnel rendu restauration. Donc, en fait, finalement, ils arrivent avec un budget constant à s'en sortir extrêmement bien, et en fait à avoir des commensaux, comme on dit en restauration collective, des commensaux qui sont très très heureux de cette affaire-là. En plus, quand il s'agit d'ados, ils sont ravis parce qu'ils n'ont pas besoin de plucher, ils n'ont pas besoin de etc. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Et on se rend compte aujourd'hui que, pour nous, c'est un super indicateur qu'on peut mettre à disposition d'ailleurs des collectivités territoriales, parce que on commence à proposer aux cuisines de séparer les déchets de fabrication des déchets de service. Autrement dit, parce que si vous fabriquez beaucoup, vous allez produire beaucoup de déchets. Aujourd'hui, la restauration du salon Vers de Terre n'a utilisé que des matières premières brutes. Il y a des pluches en pagaille dans les poubelles, mais il n'y a pas du tout de déchets une fois sortis. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que ça permet de montrer cette affaire-là. Et ça peut être un indicateur que je mets à disposition des collectivités territoriales et ou des fournisseurs, parce que pour le coup, ça donne une idée qui est très très intéressante de la pratique professionnelle qu'on peut rencontrer dans les équipes de restauration collective. Est-ce que merci René, merci Monsieur Farah. Est-ce que sur cette question de rendre accessibles les produits bio locaux aux collectivités et rendre accessible le marché de la restauration collective aux producteurs, David et Michel, vous, de par votre positionnement, vous avez des éléments à nous apporter complémentaires? Je me suis présenté en tant que conf, mais en fait, on a un stand commun avec la DR42 qui est quelque part notre bras technique. Et aujourd'hui, on a énormément de sollicitations de jeunes qui veulent faire de l'agriculture, qui veulent aller vers l'agriculture, et notamment en maraîchage, parce que pour leur raison à eux, hein, l'élevage a peut-être moins la cote aujourd'hui, et puis le maraîchage, il faut moins de surface également, c'est important de le dire, pour vivre. Et nous, c'est de notre côté, ça nous donne des billes si effectivement il y a à la fois une organisation, une structuration politique et puis les plateformes pour clairement rallonger la chaîne jusqu'à la production et proposer, enfin dire aux jeunes qui ont un projet d'installation qu'on est capable de leur proposer des solutions pour commercialiser leurs produits. Effectivement, on évoquait le fait que ça permet, un, de réduire les déchets, deux, il faut que nous, on puisse offrir les débouchés. Même chose sur ce que je reviens, c'est-à-dire que si la production est structurée en amont aussi, ben nous, ça peut nous permettre demain de dire, voilà, il est plus facile pour les collectivités d'aller le trouver en local. Alors, avec toutes les problématiques qu'on évoque à parler aujourd'hui de développement du maraîchage, enfin, trouver les terrains, les alimentations en eau, les choses comme ça qui aussi parfois peuvent poser souci, hein, qu'il faut pas qu'on sous-estime puisqu'on y travaille aussi par ailleurs. Mais effectivement, ça peut donner un vrai appel d'air aujourd'hui. Et on voit qu'il y a des expériences qui marchent et on voit aussi, je peux pas vous dire le contraire, qu'aujourd'hui, chez les plus jeunes, souvent le maraîchage a plus le vent en poupe parfois que les pratiques autour de l'élevage qui étaient développées dans la Loire. Simplement, oui, par rapport à l'accès au foncier, on a fait un travail avec la SAFER également, qui tous les 6 ans reconduit un plan pluriannuel d'action SAFER et a été intégré, et ça j'en suis vraiment content, l'idée que soit prioriser les surfaces, les meilleures surfaces irriguées pour le maraîchage. Et ça, c'est... Enfin, après, on en est au stade de l'intention, au même titre que la loi Egalim, mais je me dis vraiment, on va dans le bon sens, enfin, et voilà, je tiens à souligner. Moi, je voulais rajouter 2-3 petites choses par rapport à cette mise en relation entre les producteurs et les collectivités. Tout à l'heure, M. Farah, vous parliez de 2 points qui étaient intéressants. C'était la première, c'était l'expertise des acteurs, des regroupements de producteurs ou des intermédiaires sur la réponse au marché public qui est assez importante pour pouvoir rendre accès les produits des producteurs bio et locaux aux établissements. Il y avait le deuxième point que je plus souhaite qui était le on parlait de sourcing et c'était que les techniciens qui rédigent les marchés publics ou les acheteurs ou les cuisiniers puissent connaître en fait les acteurs du territoire. Qui est-ce qui est là sur le territoire, qui est-ce qui fait quoi, pour pouvoir aussi adapter la rédaction en fonction de ce qu'ils peuvent recevoir en termes d'offres et pas recevoir des offres qui peuvent venir de l'autre bout de la France. Et il y a un troisième point qu'on n'en parle pas trop, on parle beaucoup d'amont, mais il y a l'aval qui est intéressant, c'est de savoir aussi comment les cuisines fonctionnent à l'intérieur, quels moyens humains, quels moyens matériels ils ont, quels moyens financiers ils ont, parce que c'est des notions qu'on oublie et parfois dans les cuisines ils n'ont pas forcément les moyens humains pour faire que du brut en fruits et légumes. Ils sont obligés par exemple de prendre des fruits et légumes qu'on appelle en 4e et 5e gamme, c'est des pré-cuits sous vide. Donc c'est, voilà, c'est aussi ça, c'est prendre en compte ces notions-là pour accélérer, on va dire, un développement là-dessus, mettre en place des actions concrètes pour permettre de cuisiner à la fois des produits bruts et en partie des produits bio locaux. Je me permets de rebondir là-dessus. Est-ce que du côté de la ferme au quartier, David, tu peux nous préciser un peu, je ne sais pas si tout le monde connaît la ferme au quartier côté professionnel en fait, parce qu'il y a côté particulier aussi, mais du coup il y a un fonctionnement différent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aujourd'hui pour les professionnels de la restauration collective? Peut-être, comment est-ce que vous fonctionnez avec les producteurs? Quels sont les produits qui sont demandés par la restauration collective sur le territoire? Quels sont ceux peut-être sur lesquels vous avez plus de difficultés d'appro ou pas? Enfin, voilà, comment est-ce que vous vous positionnez aujourd'hui? Et puis comment la ferme au quartier se positionne dans cet écosystème dont tu parlais sur Saint-Étienne Métropole, entre autres? La ferme au quartier, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une activité particulière et une activité côté pro où on distribue des produits bio locaux, notamment pour plusieurs catégories qu'on appelle de clients, que ce soit des magasins et la restauration commerciale et collective. Nous, nos métiers à la ferme au quartier, on commercialise les produits des producteurs, on les stocke au sein d'une plateforme, on prépare les commandes et on livre. Donc ça veut dire qu'on réalise ces métiers-là qui sont à la fois un gain de temps pour les producteurs, dans le sens où un producteur qui a une journée bien chargée entre gérer soit sa ferme d'élevage, soit sa production maraîchère, et qui peut-être en parallèle doit aller prospecter des nouveaux clients, préparer des commandes, gérer la facturation ou autre mission. Il y a un gain de passer par une plateforme logistique telle que la ferme au quartier. Et dans nos métiers, c'est un gain aussi à la fois pour les collectivités, dans le sens où on commercialise des fruits et légumes, des produits laitiers, des produits carnés, mais également de l'épicerie. Donc il y a la possibilité d'avoir un catalogue assez diversifié en termes de produits pour cuisiner et d'avoir aussi un seul intermédiaire, une seule livraison, une seule facturation. Donc ça, c'est les points positifs que peut être une plateforme auprès des collectivités. J'ai oublié la suite de ta question après, Alice. La question était plus de savoir aujourd'hui, voilà, comment va la ferme au quartier du côté des professionnels. Est-ce que vous avez ressenti l'impact de la loi Egalim peut-être sur la demande auprès de vous précisément comment vous voyez l'avenir, quels sont vos projets pour répondre à cette question. Comment va la ferme au quartier? Bah, ferme au quartier, globalement, on le connaît un peu tous, on vit une situation quand même économique au niveau du marché de la distribution qui est assez tendue. Hein. Ça fait 2-3 ans que les matières premières ont pas mal augmenté. Du coup, ça impacte les pouvoirs d'achat à la fois des consommateurs en B2C et à la fois business to consumer, les clients particuliers. Et à la fois les entreprises, et on le voit notamment auprès des magasins, côté de la restauration, la loi Egalim a été un plus pour la ferme au quartier pour rendre accessibles les produits bio locaux au sein des cantines. Ça c'est un fait. Alors aujourd'hui la loi Egalim elle est très limitée, très limitante. On en parlait parce que on parle uniquement de produits bio. On ne parle pas forcément de critères géographiques. Donc c'est là l'enjeu aux techniciens, aux acteurs qui rédigent les marchés, à la fois à se faire accompagner pour pouvoir mettre en valeur et intégrer des critères poussent ceux qui répondent au marché à mettre des produits de la région. Et puis sur la restauration, on voit un peu plus un attrait oui, sur l'approvisionnement en produits bio locaux. Après, comme le disait M. Farah, il y a des différences entre la petite cantine, la moyenne cantine et la grosse cantine, où c'est pas les mêmes volumes, c'est pas les mêmes budgets aussi, surtout. Et du coup, c'est réussir à trouver le bon équilibre entre le juste prix, le produit adapté pour la cantine, pour pouvoir réussir à approvisionner ses cuisines centrales quand on parle de plus de 1000 euros par jour. Justement, moi, par rapport à ça, donc on voit bien que tout à l'heure, tu parlais, Michel, de problèmes de sanctuarisation de terre, notamment pour le maraîchage. Moi, j'ai trouvé un chiffre, là. Il y a eu une disparition sur Saint-Étienne Métropole de 105 hectares d'espace agricole productif par an du fait de l'urbanisation et des loisirs en 10 ans. C'est un chiffre qui a été donné par Saint-Étienne Métropole lors de la présentation des orientations du PAT le 9 novembre 2022. Et il n'y a que 3% des terres cultivables sur SEM qui sont consacrées au maraîchage et à l'arboriculture. Donc ça, c'est un problème, un constat qu'il s'agit de faire bouger considérablement. Donc il y a des points d'appui ici, notamment la ferme au quartier, qui est un outil de plateforme territoriale qui peut aider justement à mettre en rapport la production et les collectivités territoriales. Il y a Compostonde qui permet également, par l'activité au travers des fournitures et du gaspillage, de la réduction du gaspillage, de permettre à la restauration collective de monter en gamme tout en maintenant les coûts. Alors, moi, la question peut-être à vous, M. Farah, quel rôle peut jouer le PAT comme accélérateur et amplificateur pour un approvisionnement local et bio de la restauration collective et la création d'une capacité de production au niveau? Parce que c'est ça la question, quoi. Hein. Donc, quel rôle? Alors, il y a eu des propositions qui ont été mises sur la table. Où ça en est? Quelles sont vos perspectives? Voilà. Vaste question. Elle n'est pas simple, celle-là. Non, alors, plusieurs choses. Je ne peux pas... le constat est tout à fait juste. Il n'y a aucun souci. Si on parle du maraîchage à proprement parler, là, on va vraiment parler du maraîchage. On avait parlé, dans le cadre du projet alimentaire territorial, effectivement, de développer notamment les espaces tests, pour que... Je reviendrai sur le foncier après. Pour que des porteurs de projets puissent se lancer. Techniquement, aujourd'hui, y a eu tout un travail là, qui a été fait notamment avec le lycée de Moravel, le campus de Moravel, où là, si tout va bien, on a un projet qui devrait aboutir assez rapidement sur une installation, notamment sur des terrains autour de quelqu'un sur un espace test. L'importance pour le porteur de projet, c'est qu'il n'a pas la charge foncière. Dans un premier temps, il peut s'installer, voilà, tester son projet, peut-être aller le mettre ailleurs. Donc, il y a déjà ça qui devrait se mettre en place. Le rôle de la métropole peut être là. Je vais prendre une analogie, on peut pas fabriquer des médecins à la métropole, on peut pas fabriquer des agriculteurs avec un terrain non plus, hein. Je tiens à le dire également, mais on peut tout faire pour que ça se facilite et surtout mettre les acteurs en relation. On parlait de la SAFER ou d'autres tout à l'heure, il y a un vrai intérêt. Dans le cadre du PLUI, du plan local d'urbanisme qui est en train de se décider à la métropole, puisqu'auparavant on avait une adjonction des plans communaux, il y a la volonté de pouvoir protéger des terrains à vocation agricole aussi. Puisqu'effectivement, dans les dernières années, on a eu des développements alors très différents sur certaines communes qui a consommé du terrain agricole. Le but, c'est effectivement d'arriver à bien flécher ces terrains-là. Je reviens sur les ressources, sur les potentialités aussi. Vous l'avez évoqué, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il faut réserver les terrains irrigables, bien irrigués pour ces cultures-là qui en sont demandeuses, hein, on le voit bien. Donc rentrer ça dans la planification urbaine de la métropole. Et vous imaginez bien que les terrains pour le maraîchage sont souvent les meilleurs terrains, les mieux exposés. J'allais dire, les chiras du Pilat sont assez peu convoités pour l'urbanisation. Pardonnez-moi l'expression. Donc il faut y être très vigilant puisque c'est des terrains à haute valeur. Ces terrains à haute valeur agronomique sont souvent les mieux exposés sur les meilleurs coteaux, sur les fonds de vallée, et donc très convoités pour l'urbanisation ou l'artificialisation. Donc il y a un vrai rôle là-dessus, je pense, qu'il faut qu'on y soit, nous les maires. Et là-dedans, conscient de la chose, il faut y être très vigilant et il faut pouvoir l'inscrire. Ça veut dire aussi tout un débat avec les populations, notamment les populations propriétaires de ces terrains-là. Où effectivement, quand on va les passer en maraîchage, il ne faut pas se le cacher. C'est pas un cadeau financier qu'on fait aux propriétaires. Hein. Je le dis de façon assez abrupte, mais voilà. Il y a ça. Donc, pouvoir faire émerger des espaces tests, pouvoir aussi trouver du foncier, travailler avec toutes les collectivités publiques, propriétaires de foncier. On a parfois du foncier public qui dort. Du foncier des communes, du foncier des offices publics d'habitat, des établissements publics divers et variés. Et ça, on a un gros travail de recensement. On a des travaux sur l'installation avec l'ADER, notamment on l'a évoqué tout à l'heure, sur ces espaces-là qui peut être fait, d'essayer de le recenser et de voir comment on pourrait du coup installer, j'allais dire à moindre coût, puisque c'est du foncier public, ça dépend de la volonté publique, des acteurs notamment du maraîchage là-dessus. Donc on essaye de s'y appliquer et puis protéger ce qui existe déjà. Ça peut paraître tout bête, mais on a des terrains aujourd'hui qui servent à du maraîchage et il faut les protéger aussi, puisqu'on peut avoir parfois des acteurs et des producteurs qui sont dessus et qui peuvent être en insécurité par rapport à leur bail ou des choses comme ça, par rapport à des propriétaires. Ça peut paraître rien, mais il y a un travail qui est conduit là aussi pour la sécurisation des agriculteurs, ces terrains-là, pour essayer de le faire. Et vraiment, c'est un vrai enjeu, puisque s'installer sur un terrain où on n'a pas de bail ou pas grand-chose, on peut pas investir et pas se développer. Et mine de rien, faire du maraîchage ou faire de la production arboricole, ça nécessite des investissements aussi au démarrage. On peut pas le faire ex nihilo comme ça. Donc le rôle du PAT là-dessus, pour aller rapidement sur ces axes-là, c'est surtout ça. Le PAT, ce que c'est ? Ah, oula, deux mots ! Vous êtes de plus en plus dur. Deux mots, ça fait 3 ans qu'on y travaille. Le projet alimentaire territorial, en fait, c'est un outil qui a été mis en place dans les années, 2010, hein, 2005-2010, au niveau de l'État. C'est de regrouper tous les acteurs de l'alimentation, donc de la production, je vais faire rapide, de la production jusqu'à la production de déchets, au recyclage des déchets qui en sont issus, en passant par la production des repas, la consommation des repas, la tarification des repas, l'alimentation de toute la population, l'aide alimentaire, c'est-à-dire aider, vous l'avez évoqué, il y a 25% de personnes sous le seuil de pauvreté. Donc tous ces aspects-là, ça a été très fortement accéléré sur les métropoles avec le plan de relance lié au Covid, puisque là, il y a eu des sommes mises par l'État, puisque le Covid a exacerbé les inégalités au niveau alimentaire notamment. On l'a tous constaté, on a vu effectivement que les gens qui mangeaient pas à leur faim, mal, ça s'est exacerbé pendant le Covid, notamment parce qu'on a coupé la restauration collective, on a coupé les cantines à un moment donné. Ça a été terrible comme crash test, vous m'excuserez l'analogie, mais ça a été terrible. C'est-à-dire qu'on a vu vraiment qu'il y avait des gens pour qui c'était le repas, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a le seul repas équilibré de la journée, notamment des plus jeunes. Donc l'État a mis de l'argent là-dessus. Avec Saint-Étienne Métropole, on y a été voilà, avec la volonté d'avoir un PAT, alors là j'ai le droit à l'acronyme, j'expliquais, systémique, c'est-à-dire qui englobe tout. Il y en a qui ont fait que la restauration collective. On a voulu tout englober. C'est compliqué, mais c'est-à-dire englober notamment la production. Les questions dont on parle aujourd'hui, parce qu'il est difficile de parler qu'alimentation si on ne parle pas de la production, inversement aussi, si on fait de la production sans déboucher, c'est compliqué. Et la question aussi des déchets qui, mine de rien, est primordiale, hein, c'est-à-dire tout ce gaspillage alimentaire qui est énorme. Hein, le pourcentage même de nourriture qui est produite et qui n'arrive même pas jusqu'à la cuisine, c'est je crois 20-30% si je ne dis pas de bêtises. Donc de travailler là-dessus. Avec tous les acteurs. Donc, on a eu une grosse phase de concertation de 2 ans. Là, avec des actions, on a un plan d'action qui se déploie. On pourra y revenir plus en avant. Mais la volonté, c'est de faire travailler les acteurs ensemble. Et je tiens à le dire, sur la métropole, on a mis des chiffres qui peuvent faire peur, le 2%, les 25% de personnes en dessous des seuils de pauvreté. Moi, j'ai envie d'être optimiste. On a un terrain avec des acteurs locaux qui est remarquable, c'est-à-dire qu'on a énormément d'acteurs locaux engagés dans les questions de production, d'alimentation et dans la volonté de faire bien manger, je le dis. Mais il y a un gros travail de mise en réseau, mine de rien, qui existe. Non mais c'est vrai, c'est pas toutes les collectivités qui ont cette chance-là d'avoir ce réseau d'acteurs de terrain, j'allais dire. Moi, pour ça, c'est une vraie richesse. C'est une vraie richesse de débat aussi, parce qu'on a des échanges, on n'est pas tout le temps d'accord tous ensemble, vous imaginerez bien, mais c'est une vraie richesse. Et je pense que ça, il faut qu'on essaye de s'y appuyer. Voilà pour dire ce qu'est le PAT. Et le projet alimentaire territorial permet aussi, on a le cœur et parfois jamais loin du portefeuille, mais ça permet de lever des fonds. En étant éligible au PAT, on a pu lever 600 000 euros pour des acteurs aussi du territoire qui ont pu développer leur capacité d'investissement, leur capacité de production, de transformation, acquérir du matériel. Voilà des acteurs qui sont des acteurs locaux qui ont pu avoir ces subsides-là. Et la métropole aussi, en lien avec d'autres collectivités, la région, le département, où les collectivités peuvent financer des projets. Je le disais tout à l'heure, on a un appel à projet sur l'adaptation, j'allais dire, des cantines publiques pour simplifier, hein, qui est en cours sur Saint-Germain-de-Fonds, par exemple, la cuisine intercommunale. C'est 250 000 euros que la métropole apporte parce que ça répond tout à fait au cahier des charges. C'est quelque chose de très bien. Mais sur des structures plus petites, on va parfois verser 10 000 euros pour acquérir un véhicule, des choses comme ça, et permettre à des communes d'aller chercher, d'aller livrer des repas. Donc la volonté, c'est d'être là-dedans. Et sur la précarité aussi, on a de l'investissement là-dedans aussi, avec des structures hein, du type amicale laïque, association, comme ça, par exemple, aussi je les vois ici, on en a parlé tout à l'heure, mais pour leur permettre de passer à l'échelle, et ça c'est important, parce que parfois on a des projets, le but c'est d'essayer de les faire passer à l'échelle. Donc le PAT c'est tout ça, c'est surtout la mise en réseau des acteurs et la prise en compte des particularités du territoire. Je veux dire, le projet alimentaire territorial de Lille ne sera pas celui de Saint-Étienne, qui ne sera pas celui de Marseille. On n'est pas sur le même territoire productif, on ne produit pas la même chose. On ne consomme pas non plus forcément la même chose. Voilà, donc ça ne fonctionne pas pareil. Donc effectivement, le but, c'est ça. Je suis désolé pour le pitch. 3 minutes sur un travail de 3 ans. J'ai été ultra rapide, mais j'espère avoir été clair. Merci pour cet éclairage sur le PAT. On voit quand même que c'est très complexe et on doit tirer beaucoup de cordes pour faire avancer la question de l'approvisionnement en restauration collective, mais le système alimentaire et agricole de façon globale dans lequel il s'intègre. Que ça prend du temps, voilà, que même les 20% de produits bio en restauration collective demandés par la loi, ça date de 2018. Aujourd'hui, je vous ai donné les chiffres, on est à 15%. Donc ça prend du temps. Et du coup, avant de vous donner la parole, côté salle, si vous aviez chacun en une minute, et on vous fait des défis, nous dire, si vous aviez une action à mener, enfin qui vous semble vous prioritaire. On sait bien que c'est pas en une action que tout va changer, mais peut-être que déjà à vos 4 actions cumulées, on arrivera à quelque chose. Si on veut atteindre les 100% de bio en restauration collective en 2030, que faites-vous? si c'est sous forme de jeu, je veux bien m'y essayer. Mais si vous voulez, quand on cherche une cause, eh ben on s'aperçoit assez rapidement que j'ai envie de dire hélas, hein, mais la cause, et de vous le dire, mais les politiques, parce que les règles du jeu, et ben à un moment donné, elles n'ont pas été là au bon moment. Et du coup, moi je voulais parler du. Enfin, c'est un truc qui traîne dans ma carrière de paysan. Il y a eu des effets d'annonce. Je me souviens, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Ça devait être à la louche en 2007-2008. Et de ce Grenelle sont nés des plans, le premier plan Ecophyto, 2011, si je ne dis pas de bêtises, et avec des objectifs de réduction de l'usage des pesticides de l'ordre de 30%. Et moi, j'ai les boules parce que, en fait, non seulement l'objectif, il avait un agenda pour 2018, en fait, il y avait 7 ans pour atteindre cet objectif-là. Et non seulement il n'a pas été atteint, cet objectif, mais en 2018, l'usage des pesticides avait augmenté. Et malgré tout, l'argent avait été versé aux agriculteurs sans obligation de résultat. Et je ne jette pas la pierre, hein, je dis pas, mais en fait, simplement, c'est un constat, le fait que parfois, eh ben, y a des décisions politiques qui s'arrêtent à l'effet d'annonce et sans cadrage qui nous permettrait de pouvoir, s'assurer que les objectifs soient atteints, parce que c'est encore une fois, c'est beaucoup d'argent des contribuables. Pour moi, j'y vois un peu comme un chèque en blanc. Donc voilà d'où aujourd'hui, mais comment dirais-je, je reste très méfiant par rapport aux gros effets d'annonce gouvernementaux, et la loi Egalim en fait partie, parce qu'en parallèle, je vois l'agriculture biologique, par exemple, dont c'est une filière qui se casse la gueule dans toute la diversité de sa production. Et quelque part, si on creuse, on voit que les règles du jeu, je parlais des règles du jeu ce matin, dans les règles du jeu, et ben il y a, excusez-moi, j'ai chaud, dans les règles du jeu, et bien assez rapidement, on a ouvert les portes du label haute valeur environnementale. Et une multitude d'autres labels qui font que l'agriculture biologique est noyée, noie complètement les consommateurs dans l'incompréhension. On appelle ça, dans le monde de l'agriculture biologique, la segmentation, je crois. Elle est analysée comme la principale cause de la détresse de la production en agriculture biologique, avec, cependant, la deuxième cause, c'est l'inflation. Voilà, et la perte de pouvoir d'achat, ça c'est important de le préciser. Donc là aussi, je pense qu'on est très en attente d'un cadrage gouvernemental pour pouvoir redresser cette situation et atteindre les objectifs 2030. Mais je ne l'ai pas fait en une minute. Oui, non, je vais compléter, je ne vais pas aller contre ce que vous dites, hein, je l'ai pas mal pris du tout. Mais moi, je pense qu'effectivement, sur le local, on a un vrai problème, et je pense que sur l'alimentation, il faudrait effectivement sortir du fait que c'est un produit comme les autres. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais on n'a pas de définition du local. C'est-à-dire que sur les marchés publics, collectivité, si on écrit local, notre marché, il est légal. Si on écrit que le produit, ça produit à moins de 50 km, si on l'écrit comme ça, ce qu'il faudrait faire, prenons 50 km ou 100 km, je ne vais pas débattre de la notion de local ici, mais... Mais si on mettait 100 km, par exemple, mettons 100 km, aujourd'hui, on décrit un marché manifestement illégal. Enfin, on peut le prendre. Donc, il y a un vrai quelque chose là-dedans. Et ça vient du fait aussi, ça a été dit, hein, on a fait des assises à Nantes l'année dernière avec un très grand nombre de collectivités, hein, toutes les associations Terre en Ville, France Urbaine, je parle de collectivités, hein, je parle pas de l'État, là. Hein. Et on a mis ça dans notre appel, dans l'appel de Nantes, on l'a mis, parce que ça lie les mains aussi des collectivités. Alors, si vous n'avez pas la volonté politique, ça vous lie pas les mains, hein, vous cachez derrière, mais si vous avez la volonté politique, aujourd'hui, je ne parle pas du bio, j'ai parlé du local. On a effectivement besoin, et je pense que sur le bio, ça pourrait aider, que ça sorte des règles. J'allais dire qu'on achète du papier comme on achète des salades, quoi. Ce n'est pas forcément la même chose. J'ai une minute, donc je simplifie. Mais oui, mais il y a une réflexion à avoir là-dedans. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation où on en a besoin aussi? On vote des lois. Je suis élu. Bien sûr qu'on fait appliquer les lois. Mais à un moment donné, la loi, elle va pas avec l'objectif, puisqu'on n'arrive pas à rentrer le local. Donc, il faut rentrer via des labels ou des choses comme ça. Ou comme vous dites, on fait des formations pour apprendre à nos agents un peu contournés pour pouvoir acheter local. Enfin, c'est quand même terrible. Donc, je pense que là-dedans, il y a un vrai quelque chose à faire sur le niveau national en le sortant des règles habituelles. Pour moi, c'est pas un produit forcément comme les autres sur ces questions-là, et on l'a dit, enfin voilà, on n'est pas une collectivité, c'est pas une élucubration de David Farah, vous pourrez le lire, c'est une demande qui a été faite notamment dans l'appel de Nantes par de nombreuses collectivités. Oui, juste toute petite divergence avec ce que vous venez de dire, Monsieur Farras. Nous, il se trouve qu'on répond à pas mal de marchés publics, et il se trouve que aujourd'hui, on peut introduire dans les marchés publics une clause dite de développement durable, et dans laquelle on peut tout à fait introduire la notion de distance. En tout cas, nous, il se trouve qu'on a été retenu sur des critères plutôt de développement durable. Alors, on ose espérer qu'on était des meilleurs déjà avant le développement durable, mais que notre note a été encore renforcée par le fait qu'on était les plus proches finalement du lieu du marché. Et finalement, la clause de distance, la clause de développement durable, qui se concrétise par le nombre de kilomètres, par exemple, entre le producteur ou le lieu de départ de la matière première et le lieu de livraison de la matière première sur la cuisine collective, la cuisine centrale, etc., peut être un indicateur qui peut être introduit dans un marché public. Donc, ça signifie que on a quand même des leviers. Et je voulais juste rebondir là-dessus, c'est que le fait de bosser local permet. Enfin, je pense que les spécialistes d'agriculture biologique seraient beaucoup plus qualifiés que moi pour dire ça, mais le fait de travailler avec des producteurs locaux permet d'abord déjà de développer l'économie locale, ça c'est plus qu'une évidence, mais en plus de permettre à cette économie de monter en gamme et justement de pouvoir se donner cette économie donc côté offre, de pouvoir se donner les marges de manœuvre pour développer, pour monter en gamme et donc aller vers de l'agriculture biologique, puisqu'on sait très bien que je pense que nos enfants, ils rigoleront quand ils écouteront les podcasts diffusés derrière les vieux là, les mecs ils parlaient de la question de l'agriculture biologique, mais c'était quoi qu'il y avait avant l'agriculture biologique? Oui, non, juste par rapport à ça, il y a d'autres biais, un peu, par exemple, à introduire. Il y a des collectivités qui le font. Je pense, moi, je viens de lire le livre, là, Plat de résistance, qui a été un livre coécrit par le président du conseil départemental de Dordogne, puisque tous les collèges de Dordogne sont passés en approvisionnement bio et local. Et lui, il dit, effectivement, c'est interdit par les critères européens, hein, parce que quand on parle de bio et de local, il faut aussi dire que l'Europe, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, nous interdit ça. Enfin, nous interdit ça pour le local. Mais on peut très bien contourner ça, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des critères, par exemple, de réactivité. Lui, il disait, par exemple, on peut dire que on peut mettre dans notre appel d'offres qu'il faut réagir en quelques heures si un lot est défectueux. Et là, forcément, si c'est pas du local, c'est pas possible. Mais je veux dire aussi que ça nécessite que les collectivités locales reprennent la main sur les critères d'appel d'offres, qu'elles ne passent plus par des groupements d'appel d'offres qui leur livrent clairement des choses et qui sont formatées pour approvisionner, pour faire que l'approvisionnement soit fait par des multinationales de l'agro-industrie, etc. Il faut que les collectivités locales reprennent la main sur les appels d'offres. Alors, c'est pas pour relancer. Non, je relance pas en 10 secondes. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que je demandais juste et ce qu'on demande, c'est une simplification, qu'on puisse écrire clairement ce qu'on veut. Et je suis d'accord avec vous, on peut trouver des critères, des choses, de réactivité, de machin, mais qu'on puisse écrire clairement ce qu'on veut. C'est ça qu'on a demandé, qu'on mette une clause qui soit claire et nette. Je suis d'accord qu'il y a des choses qu'on peut faire. Moi, ma demande était de dire, et la demande de nombreux, c'est de dire qu'on puisse écrire clairement ce qu'on veut. Et c'est beaucoup plus simple souvent pour la personne qui répond quand c'est écrit clairement. C'est juste ce que je voulais dire. Je pense qu'on est tous d'accord. Merci pour ces derniers mots. On voit que la question du marché public fait déjà débat de côté de gens où on est tous d'accord déjà. Donc imaginez à l'échelle d'une collectivité. On vous propose de continuer avec des questions si vous en avez. C'est parti. Alors sur la question des marchés publics, il y a un réseau qui s'appelle Agores qui est déjà penché sur cette question-là, puisque sur l'exception alimentaire, comme il existerait une exception culturelle, il faut qu'il existe en France une exception alimentaire. Parce que effectivement, c'est pas normal de mettre en concurrence un paysan d'Andalousie, polonais ou français. Et là, actuellement, avec les marchés, enfin, les lois européennes, c'est ce qu'on nous impose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la loi Egalim, c'est une loi qui a été faite. Alors, pour moi, elle part pas d'un bon sentiment, c'est pas vrai. Ils ont fait de la com, de la pure com. Et elle est vicieuse, cette loi. Elle est carrément vicieuse parce que ça a mis les agriculteurs bio en difficulté. Pourquoi ? Parce que comme on n'a pas atteint les objectifs, ils ont créé un nouveau logo qui s'appelle le logo HVE. Vous en avez entendu parler de ce logo HVE. Donc le logo HVE, si vous avez une barrière, un mur, quelque chose vers votre champ, et ben vous marquez des points et puis hop, on vous colle un logo sur du conventionnel. Et puis derrière, les aides qui devaient être données aux paysans bio, ils ont été données aux paysans HVE. Les industriels, quand ils viennent dans les cuisines centrales et quand il y a eu cette loi Egalim, il faut aussi un menu végétarien par semaine. Et ben ils sont arrivés avec leur steak haché de soja d'Amérique du Sud. Achetez-nous ça, c'est bon, regardez, nous, on a la solution. Encore quelque chose éthiquement quand même qui pose question. Et puis les logos, parce que les professionnels eux-mêmes s'y perdaient. Le logo MSC, qui est un logo privé, qui n'est pas un logo SICO, les commerciaux et les industriels venaient. Si, si, achetez-le. Ouais, MSC sont en train de racler le fond des mers, et c'est des vraies usines sur mer, hein, ces trucs. Donc, éthiquement, cette loi, enfin, il y a tout à revoir. Il y a complètement tout à revoir. Et puis sur le don alimentaire, sur les déchets, on a aussi d'autres contraintes, c'est l'HACCP. L'HACCP, c'est tout ce qui régit les règles d'hygiène en cuisine. Et on a le droit de refroidir qu'une fois un repas. On n'a pas le droit de le réchauffer une deuxième fois et de le donner, c'est interdit. Pourquoi ne pas alléger aussi ce côté-là ? Parce qu'excusez-moi, mais un repas réchauffé deux fois, il est moins dangereux que d'aller se nourrir dans une poubelle. Oui, en plus. Le bourguignon est meilleur réchauffé deux fois, je suis assez d'accord, ça dépend quoi. Pas les frites. Mais voilà, c'est quand même plus sain de manger un repas réchauffé deux fois que d'aller se nourrir dans les poubelles. Donc, je suis désolée, cette loi, non, elle avait rien de bon dès le départ. Ils ont juste voulu faire de la com. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis un flingue sur la tempe des collectivités, des élus, en leur disant, vous allez appliquer cette loi, mais vous n'aurez pas de moyens financiers. Au contraire, on vous baisse encore la DGF. Donc, dans ce que disait M. Farah, et c'est vrai, dans les années 90, on a fait des grosses UP. Moi, à mon travail, je vois des UP en formation de 10 000 couverts. 10 000 couverts, unités de production. Donc des cuisines centrales de 10 000 couverts à Paris. C'est des usines, hein, clairement, on se croirait dans l'aile ou la cuisse. Hein. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut qu'on revienne en arrière, je suis d'accord. Mais revenir en arrière, ça veut dire vous avez le choix entre faire soit des petites UP, donc faut tout reconstruire les bâtiments, soit faut embaucher du personnel. Comment voulez-vous embaucher du personnel quand on vous baisse votre DGF chaque année ? Il faut m'expliquer. Les élus locaux, oui, pardon, la DGF, c'est ce que l'argent de l'État donne aux collectivités pour fonctionner. Elle baisse chaque année, elle a baissé sous tous les présidents. Comment voulez-vous embaucher du monde pour trier des légumes ? Parce que même si les agriculteurs répondent aux appels d'offres, si vous n'avez personne pour trier, on travaille tout avec des légumes en quatrième gamme. Il faut racheter des machines, il faut embaucher du personnel. On ne peut pas. Donc, OK, qu'ils fassent des lois, mais qu'ils fassent des lois qui tiennent la route, mais surtout qui donnent l'argent aux collectivités pour fonctionner. Sinon, ce n'est pas possible. Et par contre, il y a des gens qui s'appellent Sodexo et qui, eux, savent faire. Oui, bonjour. Moi, je suis éleveuse dans les monts du Lyonnais. Et suite à toutes vos questions, moi, ce n'est pas une question que je vais poser. En fait, la réponse à l'intervention de Michel qui dit qu'on donne de l'argent à des gens qui ne sont pas engagés dans des chartes avec zéro objectif de résultat contrôlé. On dit qu'il faut augmenter la qualité, que la loi Egalim n'a pas adapté. En fait, il y a une réponse. L'agriculture bio, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on s'engage à ne plus mettre de pesticides. Juste pour info, pour produire et transporter une tonne de pesticides, il faut 7 tonnes de pétrole. Hein. Donc, il faut arrêter de dire que le super local qui n'est pas bio, c'est mieux que le bio qui est un petit peu plus loin. Il faut faire ses calculs. Il faut calculer l'impact carbone depuis la production du produit pesticide aussi. Donc, faut pas, c'est pas bout de champ. Hein. Ça, ça change tout. Donc le local, moi, je trouve ça pas mal. Le bio local, il y a une formule. Hein, le bio local, c'est l'idéal. Ça répond à peu près à toutes vos questions. Sauf que politiquement, il faut s'engager. Depuis que M. Wauquiez, pour ne pas le citer, est à la région, il n'y a plus d'aide au maintien de l'agriculture biologique. Zéro nada. Il y a des aides au HVE, effectivement. Juste pour le grand public, un agriculteur conventionnel qui arrête de mettre du glyphosate l'année d'après, il a droit à un crédit d'impôt de 3500 euros. Moi, ça fait 20 ans que je ne mets pas de glyphosate, j'ai zéro. J'ai zéro, donc j'ai coché hein, la case 3500 x 20, j'ai pas eu le chèque. Hein. Donc ça, c'est sûr. Ça répond à toutes vos questions. Si on aide les agriculteurs à s'installer en agriculture biologique, les produits seront moins chers, ils seront à côté, il n'y aura pas de frais de tout ce qui est en aval de consommer de l'eau polluée. Et je pourrais vous parler de la métropole de Lyon avec les perfluorés, c'est encore une autre histoire. Ça peut arriver à tout le monde, c'est pas à peine de soulever les sourcils, même sur l'eau potable. Et donc en fait, c'est éminemment politique et la réponse, elle est là. Il existe un label qui est contrôlé, qui est contrôlable, qui est réalisable. Il faut simplement aider. Il y a des catégories, par exemple, pour les arboriculteurs, c'est un peu plus compliqué de passer en bio que pour les éleveurs. Ça, c'est sûr, ils ont besoin d'aide localement pour pas aller loin. Dans le Pilat, s'il n'y a pas d'aide, s'il n'y a pas plus d'aide pour les agriculteurs biologiques en arbo, il n'y en aura plus. Il n'y a plus personne qui s'installe en arbo. Donc en fait, la réponse, on l'a. C'est politique. Il faut orienter les aides et ça facilitera la lecture des appels d'offres puisque ce sera bio et local. Il n'y aura pas besoin d'embaucher quelqu'un pour savoir comment rédiger l'appel d'offres ou comment contourner la loi et tout ça. Moi, je trouve que la loi Egalim, pour ça, elle n'est pas trop mal. Bio et local, c'est l'idéal. Il faut juste aider les gens à s'installer en bio, y compris avoir du foncier, y compris irriguer, y compris, on a plein d'exemples où ça, sur le papier, c'est comme ça, mais en réalité, c'est pas comme ça. Donc la solution, elle existe. C'est bio et local. Bon, Laurence, elle parle beaucoup. Elle défend bien l'agriculture bio. Non, je pense que, oui, c'est ce qui est difficile, c'est quand même, c'est pas tout d'aider les gens à s'installer, parce qu'on voit que la durée de vie des néo-ruraux qui s'installent est très faible. Donc ouais, il faut quand même toute une infrastructure, un accompagnement qui n'existe pas. Et c'est juste, je voulais prendre la parole, c'est juste pour dire, comme David a dit là, par rapport aux appels d'offres, c'est le sourcing. Il y a Saint-Just-Arambert, le gestionnaire de Saint-Just-Arambert, nous a expliqué ça à Loire-Forêt-Agglo, comment il fait pour faire des cahiers des charges adaptés au local. En allant chercher les producteurs dans locaux, quoi. Et donc en adaptant son marché, enfin son appel d'offres aux gens réellement existants. Excusez-moi, je vais aller très vite. Oui, c'était pour rebondir sur ce qui était dit au niveau de l'accompagnement et l'aide des personnes qui veulent s'installer. Je pense qu'il y a aussi, et là c'est le politique qui peut vraiment s'engager, c'est la formation, c'est l'éducation et c'est de rendre désirable un métier, qu'est l'agriculture, qu'est l'élevage. Et je pense que là, il y a une réelle construction à faire dès les années de collège, de lycée, pour enfin de refaire un récit qui rend désirable le métier d'agriculture, parce qu'il est en perdition. Il y a plein d'agriculteurs qui s'en vont et qui souffrent d'une très mauvaise image, parce qu'on a tertiarisé notre économie depuis les années 80. Et voilà, c'est là qu'on entend des gens au MEDEF ou ailleurs qui disent qu'une usine parfaite, c'est une usine qui n'existe plus, quoi, qui est complètement partie à l'étranger. Et je pense qu'il faut rendre désirable ce métier d'agriculteur. Merci. Juste pour aller dans le sens de madame, au niveau de la loi Egalim, dans les cantines, etc., et les steaks de soja pourris, etc., qui vont avec. Tout ce que vous dites est bien sur la construction des cantines scolaires, de la restauration collective, mais pour vous, ça s'arrête au collège. Le lycée, ça n'existe plus pour vous après. Si ? Ah, d'accord. Alors, parce qu'on n'a pas énoncé le mot lycée, c'est ça ? Ouais, justement, ouais. C'est quelque chose qui montre un peu la situation, c'est que les lycées dépendent de la région. Et voilà. Donc de Laurent Wauquiez. Merci derrière, pour lui. On n'a aucune politique alimentaire portée par la région qui incite en tout cas à consommer des produits bio. Et donc typiquement aujourd'hui, nous, Agribio Rhône-et-Loire par exemple, on accompagnait les lycées jusqu'à ce que Wauquiez arrive et du jour au lendemain tout s'est arrêté. Et cette année, il y a une nouveauté encore, parce qu'il est très gentil, ce brave homme. Il a supprimé les petites centrales d'achat. Donc par exemple pour la Loire, il y a une centrale d'achat pour aider aussi du local et les prix. Et là, il vient de la supprimer. Donc à partir de janvier, on passe sur une centrale régionale. Et donc maintenant, il n'y aura plus rien, quoi. Les industriels seront à fond. Je tempère un petit peu pour dire qu'il n'y aura plus rien. Pour avoir échangé avec les acheteurs de la centrale régionale, heureusement, ils ont une certaine marge de manœuvre, mais qui ne tient que à leur conviction individuelle, comme on peut l'avoir dans certaines collectivités où les élus ne regardent pas forcément et n'imposent pas forcément leur vision sur les achats. Donc heureusement, même la plateforme Régal, donc régionale pour lycée, a la volonté de référencer certains producteurs, certaines plateformes de producteurs ou producteurs. Voilà, mais on a bien sûr les tarifs qui rentreront. Voilà, donc ça va faire la concurrence par le tarif et forcément, à un moment, on va regarder les tarifs. Et sinon, s'il y a quelque chose de vertueux, donc c'est l'exemple de Saint-Jean-Bonnefonds, la cantine qui a démarré il y a 15 jours. Bon, c'est un copain qui s'en occupe. Donc, mais au moins, c'est fait avec sérieux. La lentille, c'est la lentille de Vauchette. Enfin, voilà, on arrive à travailler avec des choses et être pertinent, savoir travailler. Ils sont quatre dans la cuisine et avec quatre, ils sont capables de faire du légume frais, de le travailler. Il faut juste avoir la machine, pouvoir la payer, donc ça aussi, ça va avec. Mais là, c'est vraiment un super travail, donc si ça peut aller là-dedans, c'est encore mieux. Mais dans les lycées, à cause des régions, à cause de la région, on va être plutôt différemment. Donc je m'occupe un peu d'achat dans les lycées, voilà. Oui, pardon, je voulais juste rajouter, pour faire un peu l'avocat du diable, parce qu'il n'a pas l'air d'être apprécié, notre président de région. Je ne l'apprécie pas non plus spécialement, mais bon, je voudrais quand même... compléter, c'est qu'il faut quand même noter que l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quand même la première région qui installe des jeunes agriculteurs, et c'est en partie grâce aux politiques régionales. Voilà. C'est on va dire la région qui donne le plus en termes de subventions pour l'installation. Je ne dis pas que c'est pour les meilleurs agriculteurs et les meilleurs projets, mais dans le cas des maraîchers, on peut être aussi, en fonction des systèmes d'exploitation qu'on souhaite résoudre, on participe quand même, on bénéficie de ces aides. Après, faut sélectionner, mais voilà, c'est juste pour compléter. Bonjour, moi je veux revenir sur la préservation des terres. Est-ce que le SCOT serait pas l'outil idéal pour réglementer l'utilisation des terres agricoles dans le fond des vallées, etc., comme vous expliquiez tout à l'heure. Nous sommes les SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. Voilà. Alors, sur Loire-Sud, oui, alors sur Loire-Sud, pour aller... Je me permets de répondre, sur Loire-Sud, effectivement, ça regroupe Loire-Forêt, Saint-Étienne Métropole, Forêt, enfin voilà, tout vraiment tout le sud de Loire. Donc on est sur quelque chose de plus grand. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Sans doute que l'outil est très bon du schéma de cohérence territoriale. Je pense que ce qu'il faut aussi, je l'ai dit, à l'échelle de la commune, à l'échelle de la métropole, à l'échelle du SCOT, il faut un moment la volonté et dire oui, on va être conduit en tant que politique à faire des choix qui ne sont pas des choix simples. C'est-à-dire le choix de réserver de bons terrains. Pour l'agriculture, je suis d'accord avec vous, ça peut être un très bon outil. Mais à un moment donné, on ne peut pas non plus se dire à chaque fois... Enfin, honnêtement, moi je suis maire. Quand on avait des pauses, quand on dit non à quelqu'un sur l'utilisation de son terrain, ça se passe mal. Enfin, je tiens à le dire, il faut être aussi cohérent. C'est-à-dire que ça se passe mal. Quand quelqu'un vient en disant, moi, mon terrain, je voulais faire quelque chose. Vous, monsieur Farah, qui n'y connaissez rien, vous avez classé 100 agricoles, ça vaut même pas 1 euro du mètre. Et moi maintenant, machin, bidule... Moi, j'avais fait ma retraite dessus. Je caricature volontiers. C'est compliqué. Je pense qu'il ne faut pas non plus dire on va tout le temps le repousser à l'instance supérieure parce que l'instance supérieure sera plus loin et l'instance supérieure, elle va décider. Mais comme ça sera un machin, eh ben, ça sera peut-être plus facile à faire passer. Je pense que le SCOT est une très belle structure pour réfléchir sur un bassin de vie. Effectivement, là, on a un bassin de vie qui est à vrai cohérent entre où les gens travaillent, où les gens habitent, en prenant toutes ces choses-là, les gens qui habitent dans la plaine, qui habitent sur les plateaux, qui habitent dans le Piloc, qui travaillent à la métropole, qui travaillent à Montbrison, sont tous pris en compte. Je pense que c'est un bon outil de réflexion. On a de vraies réflexions là-dedans, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on ait, et moi je suis au SCOT aussi, donc je peux en parler, je ne vais pas me défiler, il y a des discussions qui sont complexes, parce qu'on est à un moment donné sur des intérêts qui sont divergents là-dessus. Et quand on va avoir le choix ou la nécessité de dire il va falloir classer des terrains en agriculture protégée, on ne va pas faire de la technique ici, mais agriculture protégée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien y faire dessus, en gros, hein, à part de l'agriculture, et ben, il y aura des décisions à prendre. Mais je pense que c'est une question de volonté politique et de coordination politique. Il faut qu'il y ait des décisions à prendre. Ça veut dire aussi parfois qu'il y a peut-être des terrains qui étaient classés en agricole aujourd'hui, qui n'ont pas une vocation agricole, qui ne sont pas utilisés, qui sont des friches, on en a aussi dans nos collectivités, qui peuvent avoir une autre utilisation, ceux-ci peut-être y réfléchir à une consommation autre. Je ne suis pas un champ de la consommation, mais il y aura peut-être des choses à y faire. Mais ça veut dire un vrai choix et à un moment donné, une solidarité entre territoires. Bah oui, parce que celui qui va classer des terrains agricoles, quelque part, il va y perdre, donc il y aura la solidarité avec les territoires voisins. Bah, c'est jamais simple quand on est celui qui donne la solidarité. Bah, les habitants du territoire-là, ils disent oui, mais nous, on est les gentils, quelque part, et on bénéficie aux autres. Donc, je pense qu'il y a une vraie volonté politique là-dedans. Le SCOT, et pour moi, vous avez raison, un très bon outil là-dessus, parce qu'il prend le bassin de vie en globalité. Donc j'allais dire un peu les territoires les plus riches, les territoires les plus pauvres, avec les habitants voilà, plus ou moins fortunés. Mais il faut de la volonté politique locale. À un moment donné, il faut qu'on arrive à se coordonner. Oui. Et là, il y a des discussions. Je peux vous dire qu'elles sont animées. Merci. J'avais une question juste par pur souci d'information personnelle. Combien de producteurs actuellement fournissent Saint-Étienne Métropole pour fournir les cantines ? Est-ce assez ? Même si je sais que peut-être a priori non. Et combien dans l'idéal il vous en faudrait pour pouvoir vraiment fournir en bio et en local ? Enfin, est-ce que vous avez déjà réfléchi un peu à ces perspectives de vous dire actuellement on a tant de producteurs, mais il nous en faut tant pour arriver à des objectifs de... Alors, je vais vous dire là-dessus, le territoire, je pense, de Saint-Étienne Métropole en lui-même, il n'est pas pertinent. C'est terrible le vice-président qui dit ça, mon Dieu, c'est enregistré, c'est terrible. Mais on a notamment des territoires de production très proches, enfin, je veux dire, on a notamment le parc du Pilat, on en parlait tout à l'heure, des monts du Pilat ou des choses comme ça, qui sont des territoires de production, la plaine du Forêt également. Non, je ne l'ai pas chiffré. Il en faudrait bien sûr beaucoup plus, mais je pense je vais vous dire un truc. On a ces réflexions théoriques. On ne peut pas réfléchir à une métropole stéphanoise totalement isolée du reste et qui serait à 100% autoproductrice. Il y a sans doute des choses qu'on va apporter. Voilà. Non, il faudrait qu'on multiplie. Oui, c'est des chiffres de facteur 10 ou des choses comme ça si on veut vraiment être résilient là-dessus. Sachant qu'attention, la métropole n'est pas unie. À côté de nous, il y a la métropole de Lyon qui, elle aussi, est beaucoup plus peuplée. Et j'allais dire quelque part, pas plus productrice, voire moins productrice que nous. Si je prends que le territoire de la métropole lyonnaise, c'est pas le Nouveau-Rhône. Donc vous voyez, effectivement, pour rien vous cacher, on a des discussions avec le vice-président sur la même délégation que moi de Lyon, demain, après-demain du moins, sur ces questions-là. Je pense qu'il faut qu'on arrive à transcender, là, au-delà des clivages politiques, voilà. Mais oui, mais parfois ça bloque. Mais sur ces questions-là, il faut qu'on arrive à se dire, voilà, qu'est-ce qui peut être fait là, qu'est-ce qui peut être consommé ici, produit là. On a une vraie réflexion, au moins sur cette intermétropole et ce parc du Pilat au milieu. Mais oui, il faut qu'on multiplie sur des facteurs plus 10, notamment, si on veut, sur le maraîchage. Je veux dire, aujourd'hui, voilà, du lait, des choses comme ça, on peut y arriver, mais sur du maraîchage, oui, on a du travail devant nous. Le travail, c'est vertigineux. Mais... Je réinsiste sur local et vraiment quasiment 100% local. Est-ce que vous prenez en compte une contrainte d'approvisionnement énergétique, type l'essence, le pétrole, qui va coûter de plus en plus cher, qui va se raréfier, oui. Plus de camions qui alimentent les villes, enfin oui, qui tournent autour des villes, plus d'alimentation. J'espère qu'on n'arrivera pas là. Non, non, mais c'est des contraintes qui vont finir par exister. Oui, quand, aussi, quand je vous parle, si je vais quelque part, je fais Lyon, Saint-Étienne, Montbrison, Bourg-Argental. Voilà, je pense que sur cette échelle-là, ultra simplifiée, qui est plus ou moins celle du SCOT plus, quoi, mais c'est là-dessus qu'il faut être. Parce que j'allais dire, si en plus demain, même entre ces zones-là, on n'arrive plus à se déplacer, alors là, oui, on va avoir des vraies problématiques. Mais oui, c'est cette échelle-là, je pense, qui peut être pertinente. Je pense que dans cet échelon-là, on a des choses à faire et on a une population qui est relativement, dans ce cadre-là, quand on regarde les déplacements domicile-travail, choses comme ça, on est relativement cohérent. Donc il faut qu'on essaie de le rendre cohérent. C'est un vrai chantier. Vous l'avez dit tout à l'heure, la question qui a été posée, on a changé de logique aussi, mine de rien. On voit bien que ça change, la logique a changé. Les outils qu'on a aujourd'hui, c'est des outils qui ont été pensés il y a 20-30 ans. Donc il faut qu'on les adapte. Mais il y a des choses qui me font dire que quand même... Il y a des choses qui vont dans le bon sens. J'ai envie d'être optimiste, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Les discussions qu'on arrive à avoir vont dans le bon sens. Mais oui, tout n'est pas simple. On compte sur vous, hein, en tout cas. Hein. Bah, oui, bah, on va essayer. Pas que sur moi, sur nous, là. Moi, tout seul, je ne ferai pas grand-chose. Mais je veux dire, il faut qu'on soit tout... Non, mais il faut qu'on ait cette vision. Et je pense qu'il y a des choses, avec les acteurs qui sont ici, il y en a un que je connais moins, un monsieur que je connais moins, mais les autres, on travaille ensemble. Je pense qu'il y a des choses qu'on partage, même si c'est pas, je ne vends pas du rêve. Mais il faut qu'on arrive à partir dans ces choses-là. Bien. Oui, vas-y. Et si, juste une dernière chose aussi, pour fréquenter des cuisiniers et des cuisinières depuis un certain nombre d'années. De la formation personnelle, parce qu'aujourd'hui, la plupart du personnel des cuisines, quand on leur dit bio, ils nous disent c'est un objet marketing, clairement. Et de n'importe quel CSP, hein. C'est un objet marketing. Et idem au niveau des enfants, c'est bien joli de mettre des logos sur des menus, mais si même les enfants ne savent pas ce qu'ils mangent, pourquoi il y a ce logo sur le menu et pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire bio ou d'autres logos, IGP, AOC, etc. Aucun intérêt. Pour les familles et pour les enfants. Donc il y a énormément d'éducation populaire à faire au niveau du personnel, mais aussi beaucoup au niveau des familles. Justement, ça pose la, vous posez bien la transition pour la prochaine conférence débat qui va avoir lieu sur la restauration collective scolaire. Donc, qui aura lieu dimanche. Et c'est dimanche, excusez-moi que je retrouve ça. Et c'est de 14h à 15h30. Et c'est, on va parler de relocalisation et de démocratie dans la gestion de la restauration collective scolaire. Et il y aura donc notamment le maire de Saint-Jean-Bonnefonds qui va, septembre 2023, débuter. Voilà. Oui, ah, excuse-moi. Ouais, pardon, excusez-moi. C'était par rapport à un point qui était abordé, qui correspond tout à fait à mes préoccupations d'aujourd'hui, par rapport à l'attractivité du métier. Et simplement répéter qu'aujourd'hui, on est moins de 400 000 actifs agricoles en France, et que sur ces 400 000, il y en a un quart, 25%, 100 000, qui ont plus de 62 ans. Et qu'on voit encore passer des projets de DUP de personnes qui ont plus de 80 ans. J'ai vu récemment dans la presse agricole, pour la petite histoire. Et du coup, nos métiers, on fait face à des difficultés importantes liées au changement climatique. Et malgré ça, nous, je pense qu'on bosse collectivement pour s'adapter à ce changement. Tous les agriculteurs, quels qu'ils soient. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'autre solution que de le faire pour survivre. D'où les problématiques nouvelles qui arrivent avec les questions de la répartition de l'eau. Je ne vais pas vous faire un dessin. Déjà, je peux souligner qu'elle n'est pas très bien répartie parce qu'il n'y a que nous qui avons à boire pour vous. Et pourtant, vous êtes aussi pertinents que nous. Ça, c'est en aparté. Voilà. En tout cas, nous, l'outil qu'on a, si vous voulez, qui m'arrive à l'esprit, c'est que ont été médiatisées des problématiques telles que l'agribashing. Et ce terme, moi, si vous voulez, je l'ai mal digéré parce que sur notre ferme, on accueille du public, et ça, je le dis à tous les élus que je croise et de quelque bord ils soient. Que nous, on s'engage à parler, à montrer comment on bosse sur nos fermes, qu'on est totalement transparent, et que pour moi, l'agribashing, c'est comme le disait tout à l'heure la dame qui est partie, c'est de la com en fait, c'est pour dresser les gens contre les autres. Mais si pour moi, on ne pourra y arriver que si on arrive à maintenir le dialogue. À la fois entre les professionnels, les usagers, les citoyens. Pour moi, c'est la seule issue possible pour redonner de l'attractivité au métier, c'est restaurer le dialogue. Et merci de m'avoir écouté pour le dire, ça me fait du bien en tout cas.